Nico Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. 15% des dépenses effectuées dans la riposte au coronavirus n'ont pas de pièces justificatives. Cette révélation de la Cour des comptes inquiète les députés. Le ministre des Finances, qui était leur invité ce jeudi pour des questions orales, n'a pas promis de les montrer un jour. Et le budget de 5 milliards de francs burundais reste insuffisant pour assister toutes les personnes vulnérables. La ministre de la Solidarité nationale plaide pour son augmentation. Elle s'exprimait au cours d'un panel animé en marge du dialogue national sur le financement de la santé au Burundi, qui a été clôturé ce mercredi à Bujumbura. Et les habitants de la plupart des collines de la zone Nebuseruko, en commune Mugina de la province de Cibitoke, ont besoin d'une aide humanitaire urgente à cause de violentes pluies qui ont endommagé leur culture et détruit aussi une trentaine de maisons. C'était la semaine dernière. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Retour ce mercredi soir du chef de l'État burundais de sa mission en République démocratique du Congo, selon Rosine Gatoni, porte-parole de la présidence. Le président burundais était parti pour des consultations sur le mécanisme de suivi et de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Les conclusions de ces consultations seront présentées au cours du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, prévu la fin de cette semaine. Suivez Rosine Gatoni dans ses propos tirés sur les réseaux de communication de la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, revient de son voyage qu'il avait mené en République démocratique du Congo, où il était parti dans le cadre des consultations en sa qualité de président en exercice du mécanisme de suivi de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Durant son séjour en RDC, il a pu faire des consultations avec les autorités de ce pays, notamment son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs, et son prédécesseur lui avait passé le témoin de la présidence du dit mécanisme au mois de mai dernier, mais également ainsi que le coordonnateur national du mécanisme de suivi de mise en œuvre de dit accord en RDC. Toutes les consultations qu'il a pu mener avec les différentes autorités et responsables en RDC ont pu mettre en exergue la nécessité de redynamiser l'accord cadre, mais également de mettre en place un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre, un mécanisme de rapportage des pays signataires qui se sont engagés à tenir ferme pour et à se battre pour la paix et la sécurité en RDC et dans la région, afin que chaque pays signataire puisse avoir cette obligation de résultat, puisse rendre compte de son engagement et du pas déjà franchi dans la mise en œuvre de cet accord. Les fruits, le rapport de toutes ces consultations que le chef de l'État burundais a menées en sa qualité de président en exercice de mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba pourront également être soumis lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui est prévu pour très bientôt en date du 17 et 18 février de cette année à Addis Abeba afin que d'autres pays de l'Afrique puissent également s'en approprier et soutenir les efforts de stabilisation et de maintien de la paix en RDC et dans la région. Et les députés sont inquiets face au manque de traçabilité des dépenses engagées pendant la riposte de la COVID-19. Lors de la présentation du rapport d'audit effectué par la Cour des comptes pour la période allant de 2020 à 2023, il a été révélé que 15% des dépenses effectuées au cours de cette période n'ont pas de pièces justificatives. À cet effet, les parlementaires ont voulu savoir si ces pièces pourront être présentées. Le ministre Odas Nyonzima ne le promet pas, mais rassure qu'ils vont changer leur système de classement pour éviter des pertes. Sheila Irambona. Donner des éclaircissements concernant le rapport d'audit effectué par la Cour des comptes concernant la gestion des fonds collectés pendant la période de riposte de la COVID-19, c'est ce que le ministre des Finances est allé faire à l'Assemblée nationale ce jeudi. Ce rapport présenté révèle qu'au cours de la période allant de 2020 à 2023, plus de 84 milliards ont été collectés et que ces fonds proviennent essentiellement des différents partenaires techniques de l'État, ainsi que des fonds collectés pour les tests de COVID-19 réalisés en vue de l'obtention de certificats de voyage. Ce rapport révèle également que plus de 37 milliards restent sur le compte et que 15% des dépenses effectuées ne présentent pas de justificatif. À ce propos, les parlementaires ont demandé s'il y a eu d'espérer que ces justificatifs puissent un jour apparaître. Il y a des faits qui montrent qu'il y a des pièces justificatives qui n'ont pas été présentées et parmi les réponses que vous avez données et n'ont pas été trouvées au cours de l'audit. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a ceux qui sont à l'œuvre pour les rechercher et qu'elles vont finir par apparaître? Il se remarque qu'il y a eu des dysfonctionnements et il y a affaire car ces manquements ne peuvent pas s'expliquer. Que ces services chargés de gérer ces pièces soient mieux organisés dans les services publics ou ailleurs. À cela, le ministre des Finances répond par la négative. Il indique cependant qu'ils vont tout faire pour revoir le système de classement des pièces justificatives. À propos de ces pièces justificatives qui n'ont pas été présentées, nous avons expliqué le pourquoi. C'est tout ce qui concerne les factures qui ont été réglées par Proforma à cause de l'urgence de la situation. Et je ne pourrais pas accepter que nous allons trouver d'autres factures à propos de tous ceux qui ont été réglés par Proforma. Ce que j'accepte, c'est que nous allons envisager d'améliorer tout ce qui concerne le classement. Dans l'une des recommandations des parlementaires est qu'on établisse la responsabilité de chacun pour les montants qui manquent de pièces justificatives. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des champs de culture endommagés, environ 30 maisons détruites. Voilà quelques dégâts occasionnés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la colline Mugina et les collines voisines la semaine dernière. C'est dans la zone Buruseruko, c'est en commune Mugina de la province de Cibitoke. Les habitants de ces collines craignent une famine imminente. Ils demandent une assistance urgente. Mes champs ont été complètement ravagés. Il y avait des maniocs, des maïs, des colocases et des haricots. Il y a ceux qui n'avaient pas encore récolté. Généralement, tout a été endommagé. En plus, nos maisons ont été détruites. Maintenant, nous n'avons pas où nous loger. La pluie était excessive. La grêle a ravagé nos champs de riz. Maintenant, nous n'avons pas quoi manger. Nous demandons une aide pour que nous puissions nourrir nos enfants. Ces jours-ci, nous sommes aidés par ceux qui avaient récolté avant cet orage. C'est une situation vraiment déplaisante. Moi, j'étais à la maison. L'orage a emporté les toiles de ma maison. Mes enfants dormaient encore. La vie est difficile actuellement. Nos champs de manioc, maïs, haricots, patates douces ont été ravagés. Nous demandons une assistance pour que nous puissions avoir un toit. Nous demandons une aide au gouvernement pour qu'il nous donne des semences pour cette saison afin que nous puissions cultiver de nouveau et ainsi avoir de quoi nourrir nos enfants. Et ces informations sont confirmées par le chef de la colline Mugina. Wilson Habiyambere trouve également qu'il y a un besoin urgent d'aide humanitaire. On l'écoute. Sur les sous-collines de la colline Mugina, les champs de culture ont été endommagés. Pour les champs de riz, là, c'est très grave. Vous savez que les riziculteurs demandent des crédits auprès des banques. Ces gens-là enregistrent une grande perte. Des hectares du riz étaient détruits. Il y avait même ceux qui s'apprêtent à la récolte, mais voilà, ils sont dans la désolation. On enregistre aussi plus de 25 maisons qui ont été détruites dans cette forte pluie. L'assistance aux victimes de cette pluie est nécessaire dans ces jours-ci pour éviter la famine dans ces familles de cette colline. Wilson Habiyambere, chef de la colline Mugina en province Cibitoke. Le ministère de la Solidarité nationale et des droits humains plaide pour la revue à la hausse du budget pour assistance aux personnes vulnérables. Dans un panel animé en marge du dialogue national sur le financement de la santé au Burundi qui a été clôturé ce mercredi à Bujumbura, la ministre Imelda Sabushimike a déploré que le budget disponible de 5 milliards de francs burundais reste insuffisant pour assister toutes les personnes nécessiteuses. Suivez-la. L'accès aux soins de santé de qualité au Burundi reste difficile puisque beaucoup de ménages d'abord ne sont pas affiliés aux assurances maladie, mais aussi il y a une grande partie de la population qui n'ont pas les moyens pour payer les soins de santé. Donc, vulnérables à cause des dépenses liées aux maladies, surtout car la famille a un membre qui possède une maladie chronique, exemple des maladies de diabète, des cancers et qui ne cessent pas d'augmenter dans ces jours. On observe toujours des arriérés de paiement auprès des structures de santé. Vous comprenez aussi avec moi que la prise en charge des vulnérables est très coûteuse. Jusqu'à maintenant, nous avons un budget de plus de 5 milliards. Mais avec ces montants, nous ne pourrons pas même couvrir toute la population nécessiteuse, d'où la revue à la hausse du budget alloué à la santé est très nécessaire. Mais à côté aussi des indigents, il y a une grande population du secteur informel qui n'est pas liée aux assurances maladies et n'ont pas accès aux soins de santé facilement. Mais quand même, nous avons pas mal de régimes d'assurance maladie, notamment la mutuelle de la fonction publique pour les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi la mutuelle des entreprises du secteur privé. Il y a la CAM. Il y a aussi les mutualités communautaires, sans oublier aussi la gratuité de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui accouchent. Et le gouvernement devrait être conscient qu'on doit avoir des financements conséquents pour arriver à offrir à toute la population burundaise des soins de santé de qualité et accessibles à toute la population burundaise. C'était la ministre Imelde Sabushimi qui est en charge de la solidarité nationale et des droits humains. Et notre reportage personnalisé se focalise sur un certain Dikoumami Damas, un sexagénaire originaire de la colline Mfunda, en commune Outaganzwa de la province Kayanza, un infirme depuis son jeune âge et qui fait le tissage pour ne pas mendier. Sa femme et ses voisins témoignent qu'il participe au développement de son ménage. Kanyana Janvier, administrateur de la commune Outaganzwa, indique que cet homme est exonéré des taxes sur les cordes qu'il vend au marché afin de l'appuyer dans ses activités. Patrick Saint-Guillaume. Ce sexagénaire qui fait du tissage en fondant la commune Outaganzwa de la province Kayanza fait savoir qu'il a commencé cette activité génératrice de revenus depuis qu'il est devenu infirme. Il dit être né normal comme les autres et avoir ses problèmes d'infirmité à l'âge de 15 ans. Dikoumami Damas indique qu'il ne gagne pas beaucoup de cette activité mais que le peu qu'il trouve lui aide à assurer la survie de sa famille. Sa femme Sibomana Febroni dit être satisfaite de la participation de son mari dans le développement de leur ménage malgré sa situation d'infirmité. Même son de cloche avec les voisins de cette famille qui font savoir qu'ils apprécient positivement les activités de cette infirme qui a décidé de travailler au lieu de mendier. Kanyana Janvier, administratrice communale Outaganzwa, elle, fait savoir que pour l'appuyer sur sexagénaire dans cette activité génératrice de revenus, qu'il ne paie pas des taxes communales sur les cordes vendues. Cette administrative communale Outaganzwa appelle d'ailleurs d'autres personnes vivant avec de l'handicap à entreprendre de petites activités génératrices de revenus au lieu de pratiquer de la mendicité. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiu va pour la radio Isanganiro. Et les consommateurs et les vendeurs des drogues sont présents dans la ville de Gitega comme dans d'autres villes du pays. Le gouverneur de cette province qui le confirme indique que des actions sont menées pour éradiquer ce fléau. Venant Manirambona explique que quelques associations aident à sensibiliser les jeunes à abandonner ces stupéfiants. Suivez le gouverneur de la province de Gitega, traduit par Jean-Marie Vianney Gendakoumal. Nicho, Mobisagara, et je viens à montrer la conne de Kuyonekes. Nanga, il y a des galères, tu as des cobihari. On observe en grande quantité ces drogues, surtout dans les villes. Et ici à Gitega, nous sommes conscients qu'il y en a notamment ceux du type booster. On essaie de lutter contre la consommation de ces drogues. Nous avons même été en contact avec quelques associations qui se sont engagées dans ce combat pour collaborer, surtout dans la sensibilisation auprès des jeunes. Et je vous informe qu'on a réussi dans ce combat, car ni les consommateurs, ni les vendeurs de ces drogues, tous ont été arrêté et puni selon la loi. Grâce à cela, on affiche une évolution dans la lutte contre la consommation de ces drogues. Nous devrons fournir beaucoup d'efforts et d'ailleurs, c'est notre tâche de protéger la population, surtout la jeunesse. Selon les données, nous avons trouvé que ceux qui vendent ces drogues sont déjà qui ont un niveau moyen et simple. Et quant aux consommateurs, ils sont devenus des délinquants, ce sont des gens inutiles pour leur famille. Mais nous saluons cette collaboration avec les parents qui parfois dénoncent ces cas et la police intervient le plus rapide possible car ces gens-là font beaucoup de dégâts comme le vol de différents objets. C'est vraiment très dommage. Actualité internationale. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce mercredi 14 février à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. Mercredi matin, c'est le Conseil exécutif de l'Union africaine composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, qui a dressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique, atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. Et au Rwanda, à quelques mois de la présidentielle, l'opposante Victoire Ingabire était devant la haute cour mercredi matin pour demander la réhabilitation de ses droits politiques. Condamnée en 2013 pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide de 1994, elle avait été libérée en 2018 par grâce présidentielle. Toujours privée de son droit de se présenter à une élection après sa condamnation, l'opposante estime avoir rempli les conditions nécessaires pour récupérer tous ses droits civiques. Victoire Ingabire a déjà exprimé sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle le 15 juillet de cette année, une candidature dépendant désormais du jugement de la Haute Cour, qui sera rendu le 13 mars prochain. Enfin, un mot de culture à l'international, l'édition 2024 de la Berlinale, le festival du film de Berlin, s'ouvre ce jeudi 15 février au soir dans la capitale allemande. Elle s'annonce agitée. L'actrice mexicano-kenyane Lupita Nyong'o sera le symbole de la force tranquille. Première personne noire à occuper ce poste prestigieux du président du jury, elle décernera l'Ours d'or et représentera aussi l'ouverture et l'engagement politique de l'un des plus importants festivals de cinéma au monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.